Mesdames et messieurs, le voyage continue. Nous allons maintenant traverser les plus beaux paysages musicaux et rendre visite aux plus grands artistes. Ah, accrochez-vous, on arrive à la scène métal. Ouais, alors tenez bon, après ce sera la variété française. Ce sera plus tranquille. À la rentrée chez SFR, les bons plans sont au programme. Jusqu'au 8 octobre, avec votre forfait Power 50 Go 4G+, Napster est à seulement 1 euro par mois pendant 6 mois au lieu de 9,95 €. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à condition, valable pour toute nouvelle souscription à Napster. 4G+, sous réserve de couverture avec terminal compatible. Bonjour Emmanuel et bonjour à tous. Bienvenue sur les chemins du vendredi où cette année, nous vous emmènerons chaque semaine à la rencontre de ceux qui font vivre la philosophie. À l'université, au cinéma, à l'école, en famille, en lisant, en écrivant. Pour cette première rencontre de la saison, j'ai le grand plaisir d'accueillir le cinéaste Eugène Green, qui nous fait l'honneur de venir à notre micro glisser ses confidences intellectuelles à votre oreille. Vivre, c'est être un autre. Et sentir n'est pas possible si l'on sent aujourd'hui comme l'on a senti hier. Sentir aujourd'hui la même chose qu'hier, cela n'est pas sentir. C'est se souvenir aujourd'hui de ce qu'on a ressenti hier. C'est être aujourd'hui le vivant cadavre de ce que fut hier la vie, désormais perdue. Tout effacé sur le tableau. Du jour au lendemain, se retrouver neuf à chaque aurore, dans une revirginité perpétuelle de l'émotion. Voilà. Et voilà seulement ce qu'il vaut la peine d'être ou d'avoir pour être ou avoir ce qu'imparfaitement nous sommes. Cette aurore est la première du monde. Jamais encore cette teinte rose virant délicatement vers le jaune, puis un blanc chaud, ne s'est ainsi posée sur ces visages que les maisons du côté ouest, avec leurs vitres comme des milliers d'yeux, offrent au silence qui s'en vient dans la lumière naissante. Jamais encore une telle heure n'a existé, ni cette lumière, ni cet être qui est le mien. Ce qui sera demain sera autre, et ce que je verrai sera vu par des yeux recomposés, emplis d'une vision nouvelle. Collines escarpées de la ville, vastes architectures que les flancs abrupts retiennent et amplifient, étagements d'édifices diversement amoncelés que la lumière entretisse d'ombre et de taches brûlées. Vous n'êtes aujourd'hui, vous n'êtes moi, que parce que je vous vois. Vous serez demain ce que je serai, et je vous aime, voyageur penché sur le bastingage, comme un navire en mer croise un autre navire, laissant sur son passage des regrets inconnus. Eu tinha as chaves da vida e não abri as portas onde morava a felicidade. As chaves da vida e não vivi. A minha vida foi toda uma saudade e tanta ilusão que tive e foi perdida, e tanta esperança no amor foi destroçada. Não sei porque me queixo desta vida, se não quero outra vida para nada. Bonjour Eugène Green. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Je suis très heureuse de vous accueillir à ce micro. Avez-vous reconnu le texte que nous avons entendu? Et la chanson, je pense que oui, parce que vous l'avez utilisée pour l'un de vos films. Oui, la chanson, c'est un fado chanté par Aldine Duarte. Le texte, je ne suis pas sûr de l'avoir reconnu. Vivre, c'est être un autre. C'est Fernando Pessoa. Mais c'est pris dans le livre de l'intranquillité. Oui, mais je l'ai lu en portugais et par fragments, et les fragments sont tellement différents que je m'en doutais un petit peu, mais je ne voulais pas. Mais c'est très beau, en tout cas, comme texte. Ça parle. Enfin, ça me parle très directement. Précisément, il me semble que parce que cette idée de pluralité d'identité contradictoire qui nous compose vous est particulièrement familière, non ? Oui, c'est quelque chose de, à la fois, c'est une des choses qui m'attire chez Pessoa, et puis c'est quelque chose que je ressens moi-même, enfin, et que je pense que dans ce qui m'intéresse le plus, même dans la culture, c'est peut-être cet aspect-là, c'est-à-dire la pluralité de l'être, de la superposition des temps, et puis le fait que la vérité, c'est quelque chose de contradictoire, que ce n'est pas c'est pas quelque chose d'apparent et de lisse, mais c'est plutôt la réunion de plusieurs choses que la raison trouverait contradictoire. Il est très difficile de vous présenter, Eugène Green, parce que précisément vous êtes traversé par tellement de contradictions, en tout cas de pluralité. Je voudrais vous présenter comme un philosophe, ce que vous n'êtes pas officiellement, et d'ailleurs vous hochez la tête, vous n'êtes pas philosophe, vous êtes cinéaste. Je connais peu de cinéma, de films qui sont autant empreints de philosophie que le vôtre. Je voudrais vous présenter comme... Alors, je voudrais choisir entre français ou américain. Vous êtes français, vous êtes né aux États-Unis, vous ne voulez pas en parler de ce pays d'origine. Et pourtant, quiconque vous entend bien qu'il y a un accent. Donc on a du mal à qualifier ce que vous êtes. En tout cas, je pense pas. Pas effectivement, je suis peut-être plusieurs choses. J'ai un accent. Tout le monde a un accent d'une certaine manière. C'est au moins un accent régional ou sociologique. Mais c'est, oui, mon accent, ça signifie que je suis né ailleurs qu'en France. Mais à part ça, ça n'a pas, en tout cas, le mot que vous avez utilisé, l'adjectif qui correspond à... Que vous ne voulez pas prononcer. Voilà. Donc moi, je peux le dire, mais vous, non. Voilà. Donc, américain. Voilà. Oui. C'est pas quelque chose qui entre, je pense, dans ce que je fais ou ce que je suis. Sauf peut-être que d'une manière négative. Effectivement, je suis né, moi je l'appelle la barbarie. Donc, je suis né en barbarie. Oui. Je suis né en barbarie. Et donc, ça veut dire que je n'ai pas eu un rapport avec mon environnement comme j'aurais eu si j'étais né en France, par exemple. Mais cet environnement, on ne peut pas le comparer à un environnement français ou allemand ou chinois, puisque c'est ça la différence. C'est une absence de civilisation, une absence de culture, et c'est pour ça que je l'appelle la barbarie. Et vous quittez très tôt votre pays natal pour arriver en Europe et finir par choisir la France. Qu'est-ce qui, dans la France, vous plaît tant? C'est la langue française? Avant tout, oui, c'est la langue. Bon, je suis arrivé à Paris en 1969, et Paris en 1969, c'était aussi quelque chose de... C'était une ville très attirante. C'était Paris, c'était encore la capitale de l'Europe. Et c'était un peu la capitale de la culture européenne encore. Ce qui n'est plus, mais c'est surtout parce que la culture européenne n'existe plus. Mais disons que voilà, c'était effectivement très agréable. Mais avant tout, c'était la langue. Il y avait quelque chose dans cette langue qui me faisait penser que c'était là où j'étais. Là où j'étais né, bien que donc ça ne corresponde pas à la réalité physique ou historique, mais il y avait quelque chose. J'ai un sentiment aussi très fort par rapport à la langue portugaise, par exemple, mais peut-être que j'aurais pu choisir la langue portugaise si j'étais allé à Lisbonne au lieu d'aller à Paris. Mais en tout cas, j'ai ressenti ça très fort. Et donc, c'est le français qui est devenu mon... Comme Pessoa a dit que la langue portugaise était sa patrie. Et moi, je pourrais dire la même chose à propos de la langue française. Comme une réminiscence, vous dites, c'est la langue française, oui, c'est voilà, comme là c'est, où c'est, je suis parfois né. Je dis, en apprenant le français, c'était une sorte de réminiscence platonicienne. J'avais l'impression de me souvenir de quelque chose qui était déjà là et oublié, mais latent, plutôt que d'apprendre quelque chose de complètement inconnu. C'est ce que dit Platon, hein, la réminiscence platonicienne, c'est une théorie de la connaissance que développe Platon et qui suppose que quiconque apprend quelque chose en réalité ne fait que se ressouvenir, que les vérités sont toujours déjà présentes dans notre esprit. Moi, c'est quelque chose, j'y crois d'une manière générale. Et donc, si on suit le développement platonicien chez saint Augustin, ça devient aussi une connaissance de Dieu par la réminiscence, puisque Dieu est déjà là, est présent. Et donc, ça explique peut-être aussi l'aspect spirituel dans mon travail, en moi. Quel rapport entretenez-vous avec la philosophie ? Disons que le problème, c'est qu'en France, ce qu'on appelle la philosophie depuis le XVIIIe siècle, c'est essentiellement des discours de journalistes à la mode. Et donc, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas beaucoup. Et puis, on limite la philosophie au courant de philosophie rationaliste et matérialiste à partir du XVIIIe siècle. Mais si on prend la philosophie dans son ensemble, bien sûr, enfin, c'est quelque chose d'important, puisque je pense que, je ne sais pas, je pense que l'homme, forcément, l'homme pense, et donc c'est intéressant de savoir ce qu'on pensait des hommes originaux et profond avant soi. Et du coup, je n'aborde, disons que si vous trouvez un aspect philosophique dans mon travail, c'est pas parce que j'ai lu beaucoup de philosophie, mais plutôt, effectivement, je ne peux m'empêcher de penser par rapport à mon expérience et mon être. Et parfois, ça me nourrit de trouver chez des écrivains du passé des choses qui ont rapport avec ce qui m'intéresse dans la pensée. Mais disons que mon courant de philosophie, donc c'est plutôt, ça commence avec Platon, et ça passe par saint Augustin et Pascal, et aussi les grands mystiques comme Raymond Lulle ou saint Jean de la Croix, voilà. Et pour les gens qui enseignent la philosophie en France, souvent ces gens-là ne sont pas des philosophes. Je vous propose qu'on distingue la philosophie comme histoire de la philosophie et connaissance des textes d'auteurs classiques et la philosophie comme geste, rapport au monde qui consiste à mettre en question ce qui va paraître évident. Et dans ce cas, si on maintient cette distinction, vous appartenez à la deuxième typologie, la deuxième catégorie de cette mini-typologie, puisque dans vos films, vous questionnez sans cesse l'essence de ce qui est, il y a toujours une quête de quelque chose à laquelle on parvient ou pas, et vous posez des questions fondamentales sans forcément y répondre. Oui, je voilà, puisque je fais ça dans ma vie quotidienne, et donc forcément, ça se retrouve dans mes films, aussi dans mes romans. Et c'est, d'une manière générale, mes personnages sont toujours en quête. Ils sont en quête d'un sens à leur vie et au monde, dans un monde, enfin notre monde contemporain, qui nie un sens général au monde, et où moi je trouve que la plupart des gens ne trouvent pas un sens dans leur vie, ne sont pas conscients d'avoir que leur vie a un sens. Mais vous pensez que la vie a un sens ? Oui, je ne pourrais pas le définir en deux mots, mais je sens instinctivement que la vie a un sens et que donc ce que vous appelez peut-être mon activité philosophique entre guillemets, c'est-à-dire simplement ma pensée, c'est une tentative de cerner ce sens et de lui donner peut-être une expression à travers l'art. Et le sens est-il accessible au langage ? Ou est-ce que le choix du cinéma est aussi l'aveu de l'impossibilité pour le langage de le nommer et donc une manière de passer le relais à l'image ? Oui, c'est-à-dire que je pense que jusqu'au XVIIe siècle, le sens pouvait être exprimé par le verbe, par le langage, parce que la parole était... J'utilise souvent, quand j'essaie d'expliquer cette idée, ce concept, j'utilise les trois vocables qui existent en français et qui facilitent l'explication. Quand j'essaie de le faire dans une autre langue, c'est plus difficile puisqu'il n'y a qu'un seul mot qui correspond à ces trois vocables. Mais donc, la parole était jusqu'au XVIIe siècle à la fois un corps et une âme, puisque la parole n'existait réellement que incarnée, donc proférée, dite, et donc elle avait un corps et elle avait une âme, puisque la parole n'était pas simplement un signe pour indiquer une chose bien définie ou une idée bien définie, mais c'était une sorte de microcosme qui contenait une multiplicité de possibilités. Et donc, c'est ce qui faisait que la poésie était possible, puisque la poésie mettait en valeur la parole avec toute son ambiguïté. Et que la poésie devait être incarnée jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Et du coup, elle donnait un corps à la parole. Mais à partir de la pensée rationaliste du XVIIIe siècle, on a tenté de réduire la parole au mot, c'est-à-dire un simple signe dans un système de représentation qui est une langue, pour désigner des éléments du monde conçus comme des éléments finis qu'on pouvait définir en termes matériels. Et puis le troisième aspect de la parole qui était présent donc jusqu'à la fin du XVIIe siècle, depuis que l'homme possède le langage jusqu'à la fin de l'époque baroque, c'est ce qu'on appelle en français le verbe, c'est-à-dire la parole comme lieu par excellence de rencontre entre l'homme et le sacré. Et ayant perdu, en tout cas dans la pensée dominante de la civilisation occidentale, ayant perdu la parole dans le sens plein du terme, effectivement, je pense qu'à la fin du XIXe siècle, c'est l'image photographique et puis cinématographique qui a essayé de prendre la relève, puisque elle fonctionne de la même façon que la parole, puisqu'elle capte des éléments du monde matériel et fini. Donc, pour un rationaliste, il n'y a rien à dire. Mais elle peut faire voir dans ces éléments captés des choses qui sont cachées, qu'on ne voit pas quand on voit ces fragments du monde dans leur contexte. Et donc, c'est pour ça que j'ai déjà défini le cinéma comme la parole faite image. La parole faite image. Le cinéma serait une traduction de la parole ? C'est-à-dire, d'une certaine manière, oui. En tout cas, il fonctionne comme la parole avant le XVIIIe siècle. Et comme la parole fonctionne encore chez les plus écrivains, même après le XVIIIe siècle. Mais disons que, tandis que écrire avant le XVIIIe siècle, si on écrivait, forcément, on utilisait la parole, tandis que, à partir du XVIIIe siècle, à partir du XIXe siècle en particulier, écrire, ça voulait dire rechercher la parole, lutter contre la pensée dominante pour redonner à la parole sa valeur ancienne. Mais le cinéma fait ça spontanément, sans forcément avoir recours à la parole. Le cinéma peut être muet, ou on peut avoir des plans muets dans un film parlant, mais ça fonctionne toujours, un plan cinématographique fonctionne comme la parole. Est-ce que ça veut dire que le cinéma est un art baroque? D'une c'est-à-dire certaine manière. Pré-18e siècle, oui. C'est l'art le plus moderne, et en même temps vous en faites l'art le plus à même d'exprimer la conception que l'on se faisait du langage avant le 18e siècle. Oui, je pense que c'est ça. C'est pour ça que les gens trouvent parfois étrange que je me suis beaucoup intéressé à l'époque baroque, et puis que je pratique le cinéma qui est l'art le plus moderne, et en plus d'une manière qui n'est pas tout à fait habituelle. Donc ils disent que, je ne sais pas ce que ça veut dire cinéma moderne, mais ils disent que ça se rattache plutôt au cinéma moderne, et donc à la fois un intérêt pour le baroque et cinéma moderne. Ça semble comme un oxymore pour certaines personnes, mais pour moi c'est très logique. Comment vous découvrez le cinéma? Vous vous souvenez de votre première rencontre avec le cinéma? Alors, c'est-à-dire quand j'étais petit en Barbarie, donc je voyais ce que j'appelle les boujons. C'est une traduction de movie, le mot que les barbares utilisent pour leurs produits. On peut pas dire film. C'est-à-dire film. Le vrai mot en anglais, c'est film comme en français, mais les barbares disent movie. Donc, j'utilise ce terme pour désigner les produits audiovisuels fabriqués au bois de Houx ou dans d'autres lieux. Au bois de Houx. Oui, voilà. Je vois, d'accord. Ou ailleurs en Barbarie. Mais donc, je voyais Hollywood. Ça quand j'étais très petit. Et le premier vrai film que j'ai vu, c'était La Dolce Vita. Malta quand j'avais 13 ans, parce que mes parents, qui étaient pas du tout cultivés et pas du tout cinéphiles, mais pour je ne sais pas quelle raison, ils m'ont emmené voir La Dolce Vita, donc 3 heures de cinéma en italien avec des sous-titres, et un film qui n'a pas de vraie intrigue, etc. Et j'ai été vraiment complètement bouleversé par ce film. Et j'ai compris que c'était ça, le cinéma. Et peu de temps après, j'ai vu Les Fraises Sauvages de Bergman, qui pour moi est toujours le meilleur film de Bergman. Et parce que Fellini, j'aime beaucoup, mais Bergman, à partir de 1963 à peu près, je n'aime pas trop. Mais Les Fraises Sauvages, c'est un très grand film. Et puis j'ai commencé, donc j'ai eu le malheur de naître en Barbarie, mais j'ai eu au moins l'avantage de naître à la Nouvelle-York, où on pouvait voir les films européens de cette époque, qui était la plus grande époque du cinéma européen. Et du coup, voilà, j'ai découvert le cinéma comme ça. France Culture, les chemins de la philosophie. Bienvenue sur les chemins du vendredi, où j'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir Eugène Green, le cinéaste Eugène Green, à qui l'on doit aussi des romans, qui réfléchit sur le langage, pour qui la spiritualité tient une part très importante dans son cinéma, la philosophie aussi, quoi qu'il s'en défende. Revenons sur ce que vous disiez de l'importance du cinéma comme étant le seul art et le seul moyen de dire tout ce que le langage a perdu depuis le règne de la raison, hein, depuis le XVIIIe siècle. Hein, vous disiez que le cinéma était cette... Je ne dirais pas que ce soit le seul moyen, puisque j'écris aussi, j'écris des romans. Oui, on y reviendra, c'est pas la moindre de vos contradictions d'ailleurs. Mais je pense que c'est le moyen le plus direct et le moyen qui correspond le plus à... au 20e et j'espère au 21e siècle, parce que je ne sais pas où on va au 21e siècle. Mais il se trouve que je suis un cinéaste du 21e siècle, puisque j'ai dû commencer très tard. Et oui, donc le cinéma, parce que le cinéma ne peut pas être, comment dire, condamné par la pensée rationaliste, puisque la matière brute du cinéma, c'est le monde matériel. Et donc, pour un matérialiste, il ne peut pas dire qu'on ne filme pas ce qu'il appelle la réalité. Sauf que chez les plus grands cinéastes, on voit plus que la réalité apparente, on voit plus que la réalité matérielle. Et il y a une réalité... disons, une énergie cachée qui apparaît dans le film monté, et cette énergie donc est quelque chose d'ordre spirituel. Oui, vous employez le terme d'énergie, on pense presque à un au-delà. Précisons peut-être, pour comprendre l'importance que vous accordez au cinéma, qu'évidemment le cinéma n'est pas qu'une image. Quand vous décidez vous avez étudié l'histoire de l'art, vous avez étudié à travers le langage, mais quand vous décidez de commencer le cinéma, ce n'est pas une manière de laisser le langage pour adopter l'image. Le cinéma, c'est aussi la musique. On entendait la bande originale et La Dolce Vita. C'est aussi des sons, ce sont aussi des dialogues, des voix. On est loin du règne simplement visuel. Oui, et justement, les sons sont très importants pour moi. Et comme en général chez les cinéastes que j'admire le plus. Et aussi, moi, j'utilise énormément les dialogues. C'est quelque chose qui, bon, pour certaines personnes, ça les rend... On va entendre un extrait juste après, oui. Mais par contre, quand j'utilise les dialogues au cinéma, ce n'est pas comme quand j'écris de la poésie, par exemple. Parce que le but du dialogue, pour moi, dans le cinéma, c'est de dégager une énergie chez les personnes qui disent ces dialogues. Et ces personnes deviennent les personnages de la fiction, ou bien j'ai fait un documentaire aussi, et là c'est la parole qui libère toujours l'énergie des personnes, mais qui sont eux-mêmes, qui ne sont pas des personnages de fiction. Pour le dire en deux mots, pour un auditeur qui n'aurait pas vu vos films, vous avez une manière de camper les dialogues au sein des personnages. Bah tiens, d'ailleurs, je vous laisse la qualifier. Quelle est cette manière? Comment est-ce que vous qualifieriez cette manière de filmer, de mettre en scène les dialogues? Mais c'est-à-dire que je cherche simplement à capter l'énergie qui passe entre deux personnes dans une vraie conversation. Mmh. Et selon les règles classiques du cinéma, il faut toujours cacher la caméra. Et du coup, quand deux personnes sont face à face et qui discutent, il faut mettre la caméra à côté et filmer un des personnages sous un angle oblique. Mais dans ce cas, on ne voit pas pleinement le regard et on ne voit pas pleinement le visage. Tandis que quand on discute avec une personne, même ici à la radio, nous sommes en train de nous regarder. Oui. Et que, d'ailleurs, la moitié inférieure de votre visage est cachée par le microphone et je vois essentiellement votre regard. Et votre regard parle beaucoup. Et donc, quand je filme deux personnages qui sont en conversation... Si ça commence d'une manière, comment dire, avec un certain recul, donc je place la caméra derrière le personnage qui écoute, on voit une amorce du personnage, et c'est plus ou moins classique selon les règles du cinéma, puisqu'on voit une amorce du personnage, et le personnage qui parle regarde... Par exemple, une épaule, on voit l'épaule du personnage qui est en train d'écouter. Oui. Et on voit le regard du personnage qui parle, déjà, on le voit presque de face, mais il regarde vraiment le personnage dont on voit l'épaule. Mais dès que ça commence à devenir plus intense, j'utilise la liberté que j'estime avoir en tant que cinéaste pour poser la caméra entre les deux personnages. Et ça fait que, techniquement, le personnage qui parle regarde l'objectif de la caméra. Donc le spectateur. Et le spectateur devient, se trouve à la place du personnage qui écoute. Mais donc ça fait effectivement un regard caméra qui arrive directement dans le regard du spectateur. Mais c'est normal dans une conversation. Donc le spectateur reçoit pleinement ce que je, et comme je fais le montage en champ et contre-champ systématique, ça veut dire que le spectateur est complètement dans la conversation et reçoit pleinement les deux côtés de la conversation et donc toute l'intériorité qui sort de chacun des deux personnages en parlant. Ce qui est un pari cinématographique très audacieux parce que à la fois vous prenez le spectateur à partie puisque l'acteur ou le personnage va s'adresser à lui directement. Alors que bien souvent, quand on va au cinéma, c'est pour être en dehors du monde qu'on nous projette à l'écran et pas pour en faire partie, donc il peut y avoir un malaise. Mais en plus, vous avez une manière de diriger vos comédiens qui est très particulière. Les dialogues sont prononcés dans une langue toujours très soutenue, très bien écrite. Toutes les liaisons sont prononcées, ce qui peut agacer aussi une oreille qui n'est pas habituée à entendre autant de liaisons, dans un ton qui est souvent, alors certains l'ont qualifié de blanc, hein, comme une langue blanche, neutre, si bien que l'énergie dont vous parlez n'est pas celle de la voix, du langage, du corps. Une énergie, elle est vraiment au-delà de l'expérience que fait le spectateur. C'est-à-dire que c'est une énergie qui est intérieure et que je ne veux pas que les acteurs commencent à jouer. Parce que quand ils jouent, en fait, ils commencent à faire de la rhétorique. Au théâtre, c'est absolument nécessaire. Et même ce que je reproche au théâtre contemporain, c'est de ne pas faire de la rhétorique ou de faire, si, on fait de la rhétorique, mais c'est une fausse rhétorique qui se veut naturelle et qui est complètement artificielle de toute façon. Mais si les acteurs commencent à jouer, ils commencent à penser. Et je ne veux pas qu'ils pensent, puisque sinon ils sont tout le temps en train de se demander ce qu'ils doivent faire pour représenter l'état du personnage qu'ils représentent. Mais je ne veux pas qu'ils représentent le personnage, je veux qu'ils soient le personnage, paradoxalement. Et donc je les empêche de faire, pas d'une manière méchante, je m'entends toujours très bien avec les acteurs, mais en fait l'indication que je leur donne, c'est de parler comme si vous parliez à vous-même. Parce que quand on parle à soi-même, on ne fait pas d'effet de rhétorique. Il n'y a que les paroles qui sortent et que ces paroles font quelque chose intérieurement et libèrent une énergie. Et c'est cette énergie que je cherche à capter. Et je pense que en tout cas pour les spectateurs pour qui mes films marchent, puisque ça ne marche pas pour tout le monde, mais quand ça marche, les gens disent qu'ils reçoivent une émotion et ils ressentent aussi une émotion chez les personnages. Donc c'est pas blanc, je n'aime pas ce terme de blanc ou de neutre, mais c'est simplement que ils n'utilisent pas la rhétorique des intonations psychologiques de théâtre, mais ils utilisent en fait les intonations naturelles de la langue française, mais sans aucune, sans les pousser, sans pour faire des effets de rhétorique. En fait, dans les intonations psychologiques de théâtre, les acteurs prennent des intonations qui sont absolument pas naturelles, puisque comme ils veulent montrer qu'ils sont en train d'inventer le texte et qu'il ne existe pas au moment où ils le disent. Et là où en parlant normalement, là où il y a une ponctuation, on ferait une intonation qui monte un peu et puis qui descend. Eux, ils montent beaucoup et ils restent suspendus, comme s'ils cherchaient la suite de ce qu'ils allaient dire. Et ça, c'est pas du tout naturel. Donc, quand je n'impose pas d'intonation à mes acteurs, simplement quand on fait une lecture du scénario, je les laisse lire avec cette indication de ne pas faire d'effets de rhétorique. Et s'ils restent suspendus en l'air, je leur dis de redescendre. Oui, c'est ça. La manière que vous avez de leur demander d'interpréter le texte n'est pas plus naturelle non plus. À moins de penser qu'il y a, et peut-être est-ce votre cas, de penser qu'il y a une utilisation naturelle du langage et une utilisation galvaudée qui serait superficielle, qui serait trafiquée, qui serait la rhétorique. Mais je ne sais pas si on peut-on distinguer l'un de l'autre ? Parce que la langue n'est pas toujours rhétorique, au fond. Si, dès qu'on... Nous, par exemple, nous sommes en train d'utiliser, de faire une rhétorique. Certainement. Puisqu'on cherche, sans être... Je pense que chacun, on croit à ce qu'on dit. Oui, mais on récite pas un texte pour autant. Voilà, c'est ça. Mais on cherche à convaincre l'autre de... Vous cherchez à convaincre vos auditeurs et moi à vous convaincre de ce que je dis. Et donc, on cherche nos mots, on fait des accents sur certaines syllabes, on fait des suspensions de voix, etc. Et donc tout ça passe par l'intellect. Mais quand je donne un texte aux acteurs, ce texte déjà contient des possibilités d'émotion. Et je veux que l'acteur, en fait, les découvre simplement en disant le texte, comme s'il le lisait, en fait, à voix basse. Mais ça devient un texte incarné quand même. Et ce qu'il ressent, ça sort dans sa voix et ça sort aussi par tout son corps, dont comme je filme en général assez serré, ça sort surtout par le visage et par la voix aussi. Je vous propose qu'on écoute un extrait de l'un de vos films pour qu'on puisse illustrer par le son, puisque nous sommes à la radio et non pas par l'image, ce que vous venez de dire. C'est un extrait de votre film La Sapienza, qui était sorti en 2015 avec Fabrizio Rongione et Christelle Pro. Voici une discussion qui est vraiment clé dans le film. Je ne dis rien, on va découvrir la conversation, on verra comment l'auditeur ressent cette conversation. Ton voyage s'est-il bien passé ? Oui. Et finalement, c'est moi qui ai fait un voyage d'études. Qu'as-tu appris ? Que ce que je sais est inutile. Se débarrasser de l'inutile, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile. Oui. Mais on n'y arrive pas tout seul. Vers quoi veux-tu aller ? Je me croyais artiste et je pensais être savant. La source de la beauté et l'amour. La source du savoir et la lumière. Quand on remonte aux sources, on trouve la sapience. C'est un beau mot. Oui. Mais comme beaucoup de choses, on l'a oublié. Moi aussi, j'ai oublié beaucoup de choses. Je t'ai toujours aimé, Alexandre. S'il me reste du temps, je voudrais t'aimer aussi. Nous aurons peut-être le temps qu'il faut. Si j'entrevois la sapience, je voudrais la transmettre. Comment? En donnant un lieu à ceux qui cherchent la lumière. À ma façon, je voudrais faire la même chose. C'est par la lumière que nous aurons des enfants. Sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie, vous venez d'entendre un extrait de La Sapienza, le film d'Eugène Green sorti sur nos écrans en France en 2015. Pensez-vous, Eugène Green, que votre film fonctionne avec le son, sans l'image ? Non. C'est... Sinon, vous feriez des dramatiques sur France Culture. Ouais. Et... Voilà. J'ai écrit une fois une pièce radiophonique pour France Culture. Voilà. Et là, il fallait... Les dialogues avaient un peu le même style, mais on a travaillé le son autrement, bien sûr. Mais là... Qu'est-ce qui manque alors, là? Et ça manque l'image. C'est-à-dire... la présence physique des deux acteurs. C'est peut-être la scène la plus émouvante du film. Mais là, effectivement, ça, on ne sent pas ce qui, tout ce qu'il y a. Les deux acteurs sont... Enfin, moi, je trouve qu'ils sont particulièrement bon dans cette scène. Et beaucoup passe par la voix, là. Même quand on n'a pas l'image, c'est quand même une scène qui reste bouleversante. Oui, voilà, il y a une forte émotion même dans le son, mais il manque la présence physique et visuelle des acteurs. Et d'ailleurs, quand j'écris mes scénarios, je suis... Bon, une fois que j'estime qu'il est terminé, donc je suis content du scénario, mais une fois que le film est réalisé, je n'arrive pas à relire le scénario parce que ça me semble complètement... enfin, il manque plus de la moitié de ce qu'il y a. C'est le film qui est la réalité et pas le scénario. Et le scénario, c'est juste les paroles qui rendent le film possible. Mais c'est intéressant d'essayer de comprendre ce que l'image apporte. Et donc ce qui manque quand on entend l'extrait de votre film à la radio sans voir l'image, parce qu'on peut imaginer les comédiens, qu'est-ce que la présence physique et la lumière, parce que la lumière est très importante dans votre cinéma comme thème, mais à l'écran, on se souvient des images de vos films qui accompagnent longtemps, tellement la lumière est particulière. Qu'est-ce que ça apporte en plus? Ou est-ce que c'est justement l'essentiel et que les dialogues ne sont que secondaires? C'est-à-dire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, pour moi, dans le cinéma, c'est pas le cas quand j'écris un texte littéraire, mais dans le cinéma, les dialogues sont là pour dégager une énergie. Et cette énergie est là dans l'image, avec les autres sons aussi, mais c'est ce qui sort de l'être et ce que la lumière tire de l'être aussi. Donc là, on manque, ça se passe au bord du lac Majeur, avec une lumière magnifique et aussi une lumière intérieure qui sort des deux acteurs. Et là, on n'a pas ça. Donc, ça donne une idée de ce qui se passe. On sent une partie de l'énergie qui est dans les acteurs, mais sans la voir, ça reste incomplet. C'est vrai. Et j'en témoigne en tant que spectatrice que votre film, ce film-là en particulier, produit un effet quasiment de conversion. C'est-à-dire qu'on se retrouve face à un acteur qui nous parle alors qu'on n'est pas prêt à ce que l'acteur nous parle directement. Et au fur et à mesure, c'est vraiment l'image et le rythme que vous donnez non seulement au montage, mais aussi à la composition de l'image et au dialogue et à tout ce que l'on voit et que l'on sent qui happe littéralement et qui nous fait vivre avec les personnages ce qu'il se passe, à savoir cette quête du beau, c'est quand même ça l'enjeu, hein, le personnage qu'on a entendu est architecte, il cherche, il va sur les traces de Borromini et il cherche ce qu'il appelle la sapience, qui est ce mélange de savoir et de lumière, je sais pas comment vous pouvez le définir. Oui, j'ai défini la sapience comme le savoir qui mène à la sagesse. C'est donc il se rend compte qu'une grande partie de son savoir c'était inutile et il veut s'en débarrasser. C'est ce savoir qui lui a permis de faire une carrière très réussie d'architecte, mais qui ne donnait pas la lumière aux gens qui étaient en contact avec ces architectures, comme Borromini donne à ceux qui entrent encore aujourd'hui en contact avec ces architectures. Et donc, c'est ce qu'il veut faire dans le temps qui lui reste. Oui, il dit « je voudrais donner un lieu à ceux qui veulent la lumière ». C'est quasiment religieux comme expression. C'est spirituel en tout cas, oui. C'est-à-dire qu'il a connu une conversion en contact, dans ce voyage, en contact avec l'architecture de Borromini, mais aussi en contact avec le jeune homme qui est censé être son élève, son disciple, mais qui lui apporte la lumière de la jeunesse aussi et la façon de voir qu'on a quand on est jeune et qu'on est plus proche instinctivement de la lumière et de la sagesse sans être passé par le savoir. Et le savoir, ça aide à condition que ça nous, à condition que ce savoir passe par notre, ce que moi j'appelle notre intelligence et que je distingue de la raison. L'intelligence, c'est la pensée logique, mais qui part de l'instinct. C'est la pensée du cœur, en fait. C'est l'esprit de finesse qui s'oppose à l'esprit de géométrie. Comme dirait Blaise Pascal. Voilà. Et donc, quand on est jeune, on est plus proche, naturellement, on pense de cette manière, puisqu'on n'a pas encore le savoir. Et donc, dans cette relation de maître-élève, en fait, il y a eu un échange qui allait dans les deux sens. Et c'est par le contact avec la jeunesse et avec Borromini qu'il s'est rendu compte de tout ce qu'il y avait d'inutile dans sa vie et qu'il a mis sur le chemin de la sapience. Vous parlez de la nature humaine en dualiste, c'est-à-dire que vous semblez distinguer d'un côté le corps, le cœur, l'instinct, et de l'autre la raison, l'intelligence, même si vous les distinguez. Et pourtant, il y a bien un art qui combine les deux et qui n'est pas dualiste, c'est le cinéma. Au cinéma, la parole et le corps sont sans cesse mélangés. Oui, mais je pense que je suis peut-être dualiste, mais je suis aussi un peu atomiste, monadiste. Et du coup, je pense que il y a esprit et matière, on ne peut pas vraiment les distinguer. Donc ça ne pose pas de problème. Justement, c'est en filmant la matière, comme j'ai dit, qu'on fait apparaître l'esprit sans qu'on soit obligé de les distinguer. Mais par moment, ça... moi, je ne cherche pas à avoir une pensée rationnelle ou logique, donc ça ne me pose pas de problème. Mais je pense que par moment, c'est utile de pouvoir les distinguer et par moment aussi de reconnaître l'unité. Je crois un autre penseur mystique que je n'ai pas cité tout à l'heure, c'est Maître Eckhart, qui est très important pour moi. Et donc, quand Maître Eckhart parle de l'un, je pense que c'est la vérité absolue, mais Maître Eckhart reconnaît que nous ne possédons même pas l'un en nous-mêmes, mais donc que nous sommes duels, enfin nous connaissons des oppositions. Nous sommes une forme d'oxymore. J'aime beaucoup la figure de l'oxymore parce que à la fois ça reconnaît qu'il y a deux éléments qui sont contradictoires. L'oxymore, c'est le soleil noir, par exemple. Voilà, c'est ça. C'est le fait de mettre ensemble deux éléments que la raison tient pour antithétiques et exclusifs pour exprimer une vérité qui dépasse la raison. Donc, une obscure clarté. Voilà, mon livre qui vient de sortir sur Shakespeare, puisque juste pour le citer, s'appelle, le vrai titre, c'est « La lumière des ombres ». Voilà, on a mis Shakespeare dans le titre parce que ça... C'est plus vendeur que la lumière des ombres. Voilà. C'est très beau, la lumière des ombres. Mais c'est donc la lumière des ombres, c'est un oxymore. Donc, on reconnaît à la fois ces deux éléments, la lumière et les ombres. En même temps, si on dit la lumière des ombres, ça veut dire que la lumière se trouve dans les ombres et que les ombres se trouvent dans la lumière. Et donc, il y a finalement, quelque part, on ne peut pas les séparer. En même temps, par moment, c'est utile de pouvoir les séparer. Donc, je ne vois pas de contradiction entre une philosophie dualiste et une philosophie, disons, monadiste. Ce qui repose sans doute lorsqu'on fait du cinéma, lorsqu'on est réalisateur, c'est de laisser l'image s'exprimer sans avoir à argumenter, à se justifier et laisser jaillir cet inachevé ou ce sens incertain. Et je suis en train de vous demander de faire l'inverse, d'expliquer votre démarche, etc. Mais je le ferais peut-être avec plus de scrupules si vous n'aviez pas vous-même écrit des livres où vous expliquez ces choses-là. C'est que vous avez aussi un rapport un peu explicatif. En tout cas, vous voulez mettre des mots sur votre quête. Oui, absolument. Je ne vois pas de mal à faire ça. Ça aide les gens aussi à réfléchir sur ces sujets et peut-être à mieux comprendre. Mais pour moi, le film, on peut recevoir mes films, je pense, sans avoir lu aucun de mes livres ou mes commentaires sur le cinéma. Et peut-être au début, c'est mieux même. Il faut les recevoir comme ça. Et alors pourquoi vous continuez à écrire, hein? Vous avez écrit de nombreux textes et vous faites paraître chez Les Clés de Brouwer, Shakespeare ou La Lumière des Ombres. Déjà Shakespeare, alors, langue anglaise avec laquelle vous êtes un peu fâché, même si ce n'est pas la langue américaine, j'imagine bien que vous distinguez les autres. Mais on a parlé de l'importance de la lumière au cinéma, de cette énergie présente dans la lumière. Comment à l'écrit restituer cette lumière, y compris la lumière des ombres? Mais ça, c'est une autre quête, et que justement, je pense que au XVIIIe siècle, personne ne l'a fait parce que personne ne voulait le faire. D'ailleurs, c'était le siècle dit des Lumières, mais c'est une lumière c'est une lumière de néon pour moi. Mais au XIXe siècle, il y a des écrivains qui ont recommencé à chercher à utiliser, à chercher la parole, comme bon en français. Parmi d'autres, mais peut-être aussi les plus importants, les plus grands, c'est Baudelaire, Flaubert et Mallarmé. Mais dans ces trois cas, écrire pour eux, c'était une souffrance. C'était pas quelque chose qui partait simplement de leur langue qu'ils avaient reçue, comme autrefois ça pouvait être le cas. Mais c'était un acte presque surhumain pour dépasser le langage tel qu'il était utilisé à leur époque et pour atteindre la littérature telle qu'elle avait existé autrefois. Et au XXe siècle, c'était peut-être encore plus difficile parce qu'en plus, on a perdu la forme au XXe siècle. On a commencé à écrire de la poésie, par exemple, sans vers. Tandis que depuis Gilgamesh jusqu'au début du XXe siècle, la poésie était indissociable d'une forme métrique. Et donc dire que on a libéré la poésie du vers et que donc il y a eu des millénaires de vers esclaves et que au XXe siècle on a trouvé le vers libre. Bon, peut-être que ça représente un progrès, je ne sais pas, mais je constate que le fait d'avoir coupé les chaînes du vers, ça rend cet effort de retrouver la parole encore plus difficile. Je ne dis pas que ce soit impossible, mais c'est encore plus difficile. Est-ce que le contemporain, qui est un mot que nous n'avons pas encore prononcé, et je ne prononce pas celui de modernité, mais bien le contemporain, est-ce qu'il vous effraie? C'est-à-dire que ça ne m'effraie pas, mais je pense que je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, puisque, par exemple, on distingue art contemporain de art qui n'est pas contemporain, et même pour certains extrémistes et intégristes de l'art contemporain, la peinture, quelle que soit la forme qu'elle prenne, n'est pas un art contemporain. L'art contemporain doit utiliser des ordinateurs et des technologies modernes. Ça m'effraie puisque je trouve qu'on, dans bien des cas, on s'est éloigné complètement de ce que de ce que c'est l'homme, de ce que c'est le monde naturel et de ce que c'est la condition humaine. Mais sinon, je pense que c'est toujours possible de créer. Le cinéma, par exemple, c'est un art encore très vivant. Le cinéma contemporain. Bon, le cinéma français, on produit à peu près 200 films par an et il y en a à peu près 4 ou 5 qui sont des films qui valent vraiment la peine, qui sont vraiment du cinéma. Parce que le problème du cinéma français, c'est quelque chose auquel vous avez fait référence, c'est-à-dire qu'on confond la création cinématographique avec la proclamation de la vertu. Et donc, la plupart des films français sont des proclamations de la bonne morale, mais il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas d'art, Et donc, ça ne, bon, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Mais, ailleurs, bon, il y a quand même de très bons cinéastes français. Peut-être même de grands cinéastes français. Et puis, ailleurs, il y a aussi de grands cinéastes encore. Donc, le cinéma contemporain, oui, ça ne me fait pas peur. Le roman contemporain, surtout en France, mais c'est un peu la même chose. C'est simplement que, il y a tant de romans français publiés chaque année qu'il faut pouvoir trouver les bons et que c'est beaucoup plus difficile que pour les films. Je vous propose qu'on se quitte avec un dernier son. En fait, c'est une musique sublime. Je voudrais vous entendre en parler avant qu'on l'écoute parce qu'après la discussion sera finie. Il s'agit du Lamento de la Ninfa de Monteverdi. Bah, c'est un morceau de musique magnifique et c'était un des points de départ pour mon film, donc Le Pont des Arts, où c'est un des personnages principaux. Qui fait l'un de vos premiers succès cinématographiques d'ailleurs. Succès relatif, mais oui. Succès. Et est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi cette musique vous plaît autant? On vous parle autant. C'est la musique, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très simple finalement. Ça part d'un concept, donc c'est très contemporain, c'est de l'art conceptuel, parce que ça part d'une basse obstinée. C'est quatre accords qui se répètent, mais à partir de cette répétition, donc qui soutient la mélodie devient une déclamation musicale qui est en même temps une mélodie très déchirante et qui correspond plutôt à un texte, un poème italien où il y a une jeune femme qui a été abandonnée. Bon, c'est un thème qu'on retrouve souvent, mais une jeune femme abandonnée par son amoureux pour une autre et qui se lamente comme ça. Donc c'est quelque chose qui pourrait être très banal, mais tel que c'est exprimé par Monteverdi, c'est absolument bouleversant. Voici cette musique. Avant de l'entendre, laissez-moi vous remercier d'être venu aujourd'hui nous parler à ce micro. Merci. Et je renvoie les auditeurs à la lecture, notamment de votre dernier livre, Shakespeare ou la lumière des ombres, chez les Clés de Brouwer. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, depuis lundi, vous nous conseillez chaque jour un essai qui a retenu votre attention en cette rentrée. Alors, quel est le dernier essai de la semaine? Eh bien, après la musique pop, la résonance, la fin des temps et la littérature, place à un thème d'actualité en cette rentrée philosophique avec la parution à ne pas manquer de l'essai de Manon Garcia aux éditions Climat Flammarion. On ne n'est pas soumise, on le devient. Essai qui était d'abord une thèse soutenue, hasard du calendrier, quelques mois avant l'affaire Weinstein et ses débats français. Moi, ce qui m'a fait réagir sur cette histoire de consentement, c'est ce projet de loi qui a été adopté en Suède et qui voudrait, si en effet la loi passe, qui voudrait que, avant tout rapport sexuel, il y ait un consentement explicite des deux parties. Non, mais vous voyez, on va signer un contrat maintenant devant un notaire avant d'aller baiser. Franchement, là, on arrive à un délire. Et si je peux me permettre, je crois aussi, je voudrais rappeler que dans les relations sexuelles amoureuses, il y a parfois une zone de flou où on hésite d'un côté comme de l'autre. Il y a presque un an explosait l'affaire Weinstein. À la suite de celle-ci, et pour le résumer trop rapidement, deux camps se sont formés et opposés en France. Celles et ceux qui ont vu l'occasion de dénoncer l'inégalité homme-femme, inégalité injustement légitimée au nom d'une infériorité naturelle des femmes et dépourvue de tout consentement moral ou politique, et celles et ceux, comme Catherine Millet, que l'on vient d'entendre à l'instant, qui ont défendu, ou du moins justifié, cette inégalité entre les hommes et les femmes comme faisant partie des relations de séduction, d'amour ou de sexe. On se rappelle de cette tribune sur la liberté d'importuner. Ces voix campant chacune sur ses positions, on serait pourtant tenté d'écouter toutes celles qui n'arrivent pas à se prononcer. Toutes ces voix qui se situent entre les deux, qui culpabilisent en pensant à leur propre situation. Celles, par exemple, qui acceptent de faire à manger à son mari ou qui aiment être dominées au lit. Toutes ces voix, donc, qui incarnent cette problématique, enfin formulée par Manon Garcia dans son essai « Et si on pouvait consentir librement ou sans être totalement dominé à sa propre soumission ?» C'est petit à petit que j'ai compris l'importance du problème. J'ai eu des tas de témoignages, que j'ai reçu des tas de confidences de femmes qui m'ont raconté comment ça se passait et vraiment que c'était quelque chose d'odieux. Ou elles acceptent, il y en a certaines qui acceptent, mais alors ça leur donne une mauvaise conscience terrible à l'égard de leur mari et ça abîme leur vie conjugale. Ou elles refusent et alors très souvent elles sont simplement mises à la porte. Ou en tout cas, si elles ne sont pas mises à la porte, elles n'auront pas la promotion qu'elles auraient eue si elles avaient accepté de coucher sur le divan du monsieur. En 1985, soit 36 ans après la parution du Deuxième Sexe, Simone de Beauvoir confessait avoir découvert petit à petit les situations de harcèlement que vivaient les femmes. Elle confessait avoir découvert, de l'intérieur, depuis la voix singulière de femmes, au cœur de situations particulières, le problème de la soumission. Et c'est bien tout l'enjeu de cette problématique de la soumission. Peut-on y consentir librement ? Savoir déjà de quoi on parle. Et c'est ce qui intéresse Manon Garcia. Elle ne répond pas frontalement à la question. Elle ne tranche pas entre les deux positions politiques et morales que l'on a tendance à généraliser et à figer. Elle remonte le fil et construit le concept de ce que l'on entend par soumission et par des situations de soumission. En quoi la soumission est-elle distincte de la domination ? La soumission est-elle constitutive de la condition féminine ? Et si oui, est-ce une constitution naturelle ou historiquement construite ? Comment entendre la voix de la soumission ? Comment la déceler au cœur de situations ordinaires ? Eh bien, pour éclairer ces différentes questions, il y a ainsi Beauvoir et sa fameuse formule. On ne naît pas femme, on le devient. Oui, c'est en somme la formule qui résume l'ensemble de mes thèses. Et ce qu'elle signifie est très simple, c'est qu'être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qui l'a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie. La thèse célèbre « On ne naît pas femme, on le devient », Manon Garcia la reformule en « On ne naît pas soumise, on le devient », ce qui donne le titre à son livre et ce qui révèle à la fois la démarche de cet essai « Construire le concept de soumission » et son enjeu « En quoi la soumission se construit et n'est pas donnée ». Être soumis, ce n'est ni entériner une condition naturelle, aveuglément, ni commettre une faute morale, irréversible, c'est se situer précisément à cet endroit conscient et en devenir de la liberté qui se conquiert par degrés et par échec aussi. Eh bien voici votre lecture du week-end, chers auditeurs. Rappelez-nous le titre du livre, Géraldine. « On ne naît pas soumise, on le devient », c'est de Manon Garcia et c'est chez Climat Flammarion. Qui s'adresse autant aux femmes qu'aux hommes. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à Isis Jourda qui a préparé cette émission avec Anaïs Isbert, Eva Ferenzi, Marie Simon, Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Pierrick Monsigny qui est à la prise de son aujourd'hui. On se retrouve lundi pour une nouvelle semaine des Chemins de la philosophie, consacrée cette fois-ci au philosophe Stanley Cavell, qui nous a quittés avant l'été. Et en ouverture de cette semaine, je vous propose une émission sur le langage ordinaire, avec la philosophe Sandra Laugier. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission en compagnie du cinéaste philosophe Eugène Green, ou bien la série d'émissions sur l'amour que nous vous avons proposée depuis lundi dernier, c'est très simple. Rendez-vous sur le site de France Culture, page des Chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter toutes les émissions en ligne et vous pouvez toutes les podcaster, les télécharger pour les écouter à l'heure de votre choix, dans le lieu de votre choix. Rendez-vous également sur les réseaux Twitter, Instagram, Facebook, où nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour et attendons vos remarques et commentaires. À lundi, 10h donc, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.